Chapitre 5e. Une ombre dans la nuit. L'homme souleva le heurtoir de la porte du château et le laissa retomber violemment. Le ventail s'ouvrit, une vieille femme apparut. « Je veux voir le maître, » dit l'homme. « Quoi que vous lui voulez ?» L'homme s'était déjà faufilé. Alexis Cardi apparaissait sur le perron moussu. « Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous » L'homme touche à sa casquette. « Pardon, excuse, on m'a dit qu'il y avait une place de jardinier chez vous. » « En voilà des manières. Allez-vous-en. Vous avez tort. Un jardinier comme moi, c'est rare. » Il sortait de sa poche un portefeuille, en tirait des certificats. « Je ne suis pas un mendiant. J'ai de l'argent, des économies. » Il montrait des billets de 1000, un livret de caisse d'épargne. « Je ne serai pas exigeant pour les gages. Au père, si vous voulez, c'est pour ne pas dépenser mes sous. Je veux me fixer dans le village. Oui, je veux y acheter une maison. La maison de ce pauvre monsieur Ternier. « Je connais bien son oncle de La Rochelle. Il m'a promis de me la vendre. »« Entrez, » dit Alexis Cardi. L'homme s'installa le soir même. « Je suis aussi valet de chambre, » disait-il, et il montrait encore des certificats. « Il faut que j'aille à Troyes ce soir pour y chercher mes bagages, mais je reviendrai demain matin par le train de nuit. » Il eut un incident de voyage. Comme il était installé dans un compartiment de première classe, le contrôleur le secoua. « C'est au bout du train, les troisièmes. » « Vous vous permettez ?» s'écria l'homme avec hauteur en montrant son permis à l'employé abasourdi de voir un cheminot avec un titre de circulation de première. À Troyes, l'homme se rendit au cabinet de M. Bréard, le juge d'instruction. Le concierge du palais de justice l'interpella. « Eh, vous là-bas, où allez-vous ? M. Bréard m'attend. » Et il continua son chemin. Le concierge s'élança. Mais ce fut pour voir le cheminot entrer dans le bureau où le magistrat lui serra la main en lui disant « Bonsoir, cher monsieur. » Tandis que l'homme s'asseyait délibérément dans le fauteuil, « Excusez ma tenue, » dit l'homme. Le juge sourit. « Je vous ai reconnu l'autre jour à la reconstitution. Elle n'a pas donné grand-chose. Elle nous a livré, je crois, la clé de l'énigme. À propos de clés, n'avez-vous pas celles qui ont été saisies chez Henri Brémond ? Voici celles qui ont été saisies sur lui. Regardez, monsieur Paul Barre. » Le policier en prit une qu'il compara avec une autre clé qu'il sortit de sa poche. « Parbleu, » fit-il, « maintenant, monsieur le juge, il faut mettre Henri Brémond en liberté. Mais, sans quoi, acheva-t-il délibérément, je ne me mêle plus de votre affaire. » Le juge était médusé. « Vous pouvez aussi préparer le non-lieu. Ah, autre chose. Quoi encore ?» dit le magistrat avec quelque humeur. « Les librairies sont fermées à cette heure-ci. Pourriez-vous me procurer et me prêter un traité sur la grève des arbres fruitiers et les semis de légumes ?»« Hein ?» fit le juge stupéfait. « Ce n'est pas pour l'affaire. Si, j'en ai besoin pour l'affaire Ternier. Mais libérez le prévenu demain sans faute. Au revoir, monsieur le juge. » Le lendemain matin, Paul Barre, de retour au château, avait pris son travail. Alexis vint le surveiller. « Monsieur, » dit Paul Barre, « il va falloir de la pomme de terre dans le carré du fond. C'est un bon terrain abrité et sec. Dans le mois qui vient, ce sera le temps de la greffe. Pour la semaille, « faudra pas tarder à y voir. »« Bon, on voit que vous savez votre métier. »« Pour ça, oui, je l'ai bien appris. » Mais il pensait, « maintenant c'est mon autre métier, celui de policier, que je fais encore mieux. » En travaillant, il vit passer la jeune nièce, la gentille Denise, dont les beaux yeux étaient tout rouges et qui s'éloigna sans même le voir. « Elle a pleuré, » pensa-t-il, « pauvre petite. » Le soir, dans sa chambre, sous les combles, il chaussa des pantoufles souples et légères, attendit la nuit, descendit, regarda s'éteindre dans la lumière de la chambre d'Alexis Cardi et se cacha dans un buisson. Il était juste en face de la petite porte de sortie qui s'ouvrait dans le mur et dont il avait reçu la veille la clé pour sortir du château. Il attendit une heure. Soudain, la porte s'ouvrit, une ombre apparut dans l'obscurité. Elle longea le mur et passa tout près de Paul Barre. C'était, autant qu'on en pouvait juger, un homme de taille moyenne et bien prise, qui, s'est dans des anfractuosités de l'angle du château, monta jusqu'au premier étage. Là, il atteignit une fenêtre et frappa légèrement trois coups au volet. « Parbleu !» fit Paul Barre, de la même voix qu'il avait chez le juge, pour comparer les deux clés. Il vit le volet s'entrouvrir, entendit un cri de surprise, suivi d'un chute presque imperceptible. L'homme enjamba la barre d'appui et pénétra dans la chambre. Alors Paul Barre sortit de sa cachette et monta comme l'homme avait fait, et il atteignit la fenêtre à son tour. Il vit l'homme qui tenait Denise dans ses bras. Prêtant l'oreille, il entendit sa voix, ma petite fiancée. « J'en sais assez, » pensa-t-il, « je serais indiscret d'en entendre davantage. » Mais il entendit encore une phrase qu'il retint à son poste d'observation. « C'est le coupe-papier, » dit-il, « le petit poignard qui est cause de tout. Si j'avais su, ma chère petite fiancée. Non, Henri, ne m'appelle plus ainsi, je ne veux pas, je ne peux pas. » Et ce fut une crise de sanglots. « Pourquoi ? Que me dites-vous là, ma chérie ? Je ne peux pas, je ne peux pas vous expliquer, c'est terrible. » Il parlait tout bas. Paul n'entendait plus, il redescendit. « Bon, j'en sais assez pour le moment, mais je ne sais pas tout. » Maintenant, il entrait dans la bibliothèque, ouverte par lui avec une sorte de passe-partout compliqué. Un gros livre manuscrit était ouvert sur la table devant le fauteuil du maître. 2 heures sonnaient à une lointaine horloge. « J'ai le temps, » fit Paul Barre. Il se plongea dans la lecture du gros livre.